La compétition nationale junior de taekwondo pour le prix Jong-il-bong s'est clôturée le 17 au gymnase de basketball à la cité de Songchun à Pyongyang. Les meilleurs clubs et joueurs de taekwondo et de baduk ont reçu les coupes et diplômes d'honneur.